Ei! Shut up! You're all right to take. Shut up! Will you shut up? Shut up! Shut up! Shut up! c'est l'architecture du moteur qui fera la différence. Sur le long terme, sur le moyen terme, usez-le. Ça va durer longtemps, ça va durer longtemps. Thank you. infiniment grand, infiniment petit. Shut up! Shut up! Mais... capable d'occuper la place. Les brouillards, les apparences. You'll shoot your eye out. You'll shoot your eye out, kid. You'll shoot your eye out. CB, carton blindé, les Jacques Brel, les Hexacontas.